بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين، أما بعد. قال سيدي عمرو رضي الله تعالى عنه ناقلا عن شيخنا ياسين قال ابن عبد الله حمد التجاني حدث الله سره في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه جوار المعاني وبلغ الأماني قوله فصل اللهم عليه صلاة كاملة تامة. طلب المصلي من الله تعالى أن يصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم بالصلاة التامة الكاملة، وهي عطف بيان وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم توقيفية لا تعرف حقيقتها وما يقوله فيها أهل الظاهر لا يلتفت إليه إلى آخره. الحمد لله. كن كي جتاي بيو جيسون نانيو نان بيمي ميلال ينتبي ساسبن المتجلى عليه في محراب قدسك وأنسك بكمالات ألوهيتك في عوالمك وبركة والحركة. Manam ci salatu ghaibia am mom moy yantibi sallallahu alayhi wasallam kon moy fi nga xamantene mom la yalla def moy endroit manifestation borom sol mais aussi mom la borom sol manifester ci mom non wala mom la manifester wu ci mom ci mihrabu manam qudsi manam moy cielle tek borom subhanahu wa ta'ala gu kawé gi nga xamantene moy wala le sanctuaire sanctissime ak onsika ak manam moy fi nga xamantene manam borom bi mom rek lay wetliko borom bi kesse lay wetliko du wetliko kenen mom moy fi mi wax nan amna jamono jo xamantene ma sama borom xajoo ma kenen kudul sama borom du maraka du yenent ku mo meuna xajol ci jamono jojo manam jamono jojo man sama borom kesse ñom ñoy nek te borom subhanahu wa ta'ala lool la loolu digal nit ñi il faut ñu am ben moment bo xamantene dañu délu ci sen borom kessé kessé subhanahu wa ta'ala wala duñu xajo kenn duñu xajo len ben jamono il faut mu am wala nit ki di am di te am période bobu di am temps bo xamantene day nek rek jamono jox na borom kessé lañu nek lay nekkal wala manam bu mané sax mom ci jëmi bopam du nek ak bopam borom kessé wala mais lool nit ki pour mu def il faut mu def le pour désactiver sens am yi manam sens extérieur mu désactiver ko parce que bo xolé nit ki wa d'ailleurs ça fait l'occasion parce que ci lay waxé ni manam né lool yef da fay am bi kamalat uluhiyatika manam borom bi ni mi manifesté wo ci mom ci hadara yoya manam moy ki nga xamantene manam ci matu nek gi mu nek bour bo yello ñu jaam ko mom kesse ci mbolam aduna mi ak jeeri ji mais bo xole mbolam aduna yoy loolu la wax ne manam mom moy dem ba ci at-tawq al-akhdar kan mo xam ci gennoo gu dara am fu moy le liseur vert voilà at-tawq al-akhdar voilà. En fait, ndax fofu amna ci bon légui nañu résumé voilà té voilà té yalla moy cadre yu mëd voilà ñu tënk ko bax ci buntu bobu. En fait parti bobu fofu dafa nek ci kaw parti bi nga xamantene ben place la ay d'ailleurs aduna bu yaato la fofu tamit de telle sorte que ak liko wër de telle sorte que aduna bi yépp manam ak arrache ak limu contenir yépp buñ ko jëlone ak asamané yek souf yek course yu lepp ak arrache liku ak limu ko continuer buñ ko jëlone sox duggal ko fofu day mel comme si ben jaaro buñ sanni ci désert yaato yaato la mais en fait mom adam alayhi assalam souf suñ ko bindé ci alam bobu la bok ci len bindé mom adam et que souf soso mom mo nekkal mo retrouver wu ci bir nit ñi en fait ci nit ñi motax fofu moy alamul barzakh sudul won souf soso existé wu won sax ko sa borom su ko bindé wu won non konon ton yaram ak ruh duñ mëna dajé kon yaram ak ruh duñ mëna dajé et que moy lieu bi nga xamantene motax doomu adama nek place bi nga xamantene manifestation complète bu borom bi day nek ci mom de manière parfaite ndax bindu giñ ko bindé ci lool mais sauf que souf soso amatu ñu amatul ci nature bi ni de manière pure ni amatul nit ki pour mu retrouver wuko manam deug la mom lañ ko bindé mais pour mu retrouver wuko il faut mu déllu wat ci boromam complètement et que ci souf soso mom moy en fait moy ardullah wasi' bi yalla di wax ci alquran souf soso yalla su yaatu ci manam moy yaram doomu adama mais que du ni mu nekk ni acetata la ni ko nit ki di gisé ni dédé mais que mom moy quintessence et que nit ki su yewet ak borom ci lay mëna amé lool manam su yewet ak borom dem kasse et que ci place bobu ci la lool su existé wul won manam su existé wul won kon tanazzulat yi borom bi di def du mëna né parce que fofu le borom bi di def tanazzulat yi manam ci lay wacce ci lay yemo ci kaw arash bi ci turum ar-rahman ci lay wacce asaman ci asaman su ñëk ci ci lay rétané ci lay kokkelé yéjé ci lay amé loxo ak bëtt et cetera et que nit ki lolo tax nit ki tamit ci mom fofu nonu manam à travers aduna bobu lolu ci lay gissé ci lay dundé ci lay déggé té yoy nek meloy borom bi c'est parce que fofu moy bar manam moy rencontre à mi-chemin moy barzakh yi intermédiaire ou médiateur bi nga xamanténe mom la borom bi di am ak mindé fami ana wa taala manam surtout nit voilà même da ngay gis nit ki motax suñu gënt day dugg dans une partie ci aduna bobu suñu nelaw xol bi day dugg ci partie bobu motax muy gënt di gis ay mbir yu woyal yu bo xamantene amagul wala muy gis ño xamantene buñu gënné aduna yag na wala parfois musul leen gis musul bokku jamono muy gisante ak ñom ci aduna bobu ci xaal bobu la nit ko xamantene dem na ba xaalam manam sel celte ko xamantene buñu nelawé parce que bu nelawé day désactiver sens yi dañuy désactiver wu su mëne dugg ci aduna bobu mu mëne dugg ci aduna bobu ak xolam su fekkentene loolu man nako fekk dafa yew dañuy gis day mëna am day mëna dund réalité yu mel non tamit vu dafa pur état de pureté bi mu am mu accéder à travers loolu voilà en fait parti bobu en fait sommeu tawq al-akhdar bobu voilà ni la def wala nek ci kaw jabal qaf wala jabal qaf عينو حياتي أرض سمسمة خلا طوق الأخضر خلا فوق موي بلاس البرزخ الكبرى شيخ متجاني رضي الله عنه فوق موي ترونم خضرام فوق لنا motax à travers fofu ci lay meuna dominer manam ci lay meuna gérer di madat di def fuyu da tam ci mbolam univers sans indi ko ben difficulté ni problème manam sans mu indi ko ben choono bu gat bu tututu lu tutu voilà c'est que motax gis nga kérok biñ koy jox maqama khatmi bi khatmi bi dañ ko solo lam si si mbaxana bu mel ni ma wax biir yi bu verte parce que fofu tawqul akhdar voilà voilà kon legui yakarna dinañ comprendre facilement naka la nit ki di duggé ci boromam manam di dem di dalu di wete ak borom mom kesse manam di dajje ak mom ci periode bo xamantene ak jamono ak nek melo xamene du ci xajo ak kenn parce que day dugg ci borom mom kesse nek borom mom kesse hein voilà mais lolu il faut mu désactiver yeneen cieur yi activer la xol bi kesse parce que xol moy dugg ci hadara bob mais il faut que lolu mu voilà moy al jam'u bobu jam'u ala allah bobu ci lolu meuna nekke gem concentré wu dugg ci xolam au plus profond de lui-même nga xamantene nak legui yalla lay tuddou fofu même boude jamono ju gatt lu mu touti se baxna mais diko def de temps en temps da na am so non ci ngay derlo sa borom subhanahu wa ta'ala ci ngay nekké ko xamné da ngay wété sa borom période bo xamantene do ci xajo ak kenn voilà wala yakarna lolou doyna ni pour leral lolou wala ak et en plus wala fofu lu fa yalla bind dotul du dewati ni fa nek dundé motax ku duggu ci itlaq doto dewati et que cette multiplication le fait djegi xelo mindef tout temps bon etc etc ak li ak sen ki maintenant nak bon comme que li addu ci yoy non ak la fa xaw fofu ci xam xam ñeneen la du suñu yassi donc ñu bal ci aventure wu davantage voilà comme du suñu wala deng legi nak mo ne kon fa sallu yalla nga jul kon julil allahumma ya bur yalla mi turi rafete ak melo yekati ki alayhi ci mom salatan julli bo xamne kamilatan bo matla tamatan buy aju mot buy motali lolou xam nga gisone nango digante kamila ak tama dio gis ne ken ben la presque ben lañ sauf que dañuy voilà manam ak digeunte bi ci nekkon gisone nagn ko kamila waxon manam mom moy lu fess lu mat tam moy lu hein lu moteliko wala manam kon kamila mom moy li nga xamantene dafa mat seuk et que mais ci mom rek la yam tam moy lo xamantene dafa mat mais day déversé wu ci ñeneen wala da nga kon talaba sakuna al musalli aji julli ji min allah ji bur ya allah ta'ala aji kaaji ani salli ci mu julli ala habibi ci soppam bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam ci julli atamat bi nga xamantene mom moy aji motali al kamil bay aji mat wa yete li atfu bayan la manam la fekk mu ne salatan kamil manam secrétaire ci daf koy atfu bayan moy lolu moy lo xamantene day gëna leral li nga xamantene manam daf ko ci toxale daf ko ci toxtale ngir leral li nga xamantene mom la doon wax manam moy comme ni salat da do atamat al kamilat atam manam kamilatan tamatan manam moy ñom loolu afu bayan la wala ko ci toxtale ngir mot ngir woné wala modu mu bax mu yarumi manam modu mu bax mu yarumi gis nga loolu afu bayan la wa salatu llahi julik yalla nak ala nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu jalal awri ala alayhi wasallam tawqifiya tawqifiya la lol tam waxon nagn ko dañuy taxaw ci manam mana parce que do mana la bo xamna la toraf wala lol lay tek la toraf defu xam hak katwa deug deugin lol lamu don wa ma yaqulu li ngay wax li nga xamne mom lay wax nak fiha ci mbir mom ahlu zahir manam xam xam zahiri la yul tafatu deful de gestu ilayhi jom ci lol wala way moy yermande mak moy kiwet yoy dede parce que dafa large large bo xamantene c'est plus profond que lolu kon la yul tafatu ilayhi te lolu tamit gisone nagn ko manam bobu wala et que comme que wala lolu manam la bo xamne gisone nagn ko tamit te rombon nagn ko walilahi alhamdu wal minna qawlu wax gi nga xamantene mom la wax nak bika di sukkandiko ci yow gominka deng wax kon yalla nga julli ci yentib sax julli ko mat ta mot ko motali ko ga bika ci yow wa minka tukki ci yow wa ilayka dem ci yow wa alayka ak ci yow manam xam nga wolof yep ci lay wax ci alors que amna ay difference bi moy par min moy de parce que c'est provenant en provenance de ila moy vers ala moy sur wala tukki motax yi soko fiir non kay bika jaare ko ci yow wala sukkandiko ci yow minka tukki ci yow ilayka jëm ci yow alayka tegu ci yow qawlu wax yi wax nak bika manam sukkandiko ci yow wala bok jaare ko ci yow yaani mi ngi ci nam di zatika ci sa nek nek c'est essence wa min ka tukke ci yow nak yaani lim ci nam wa min zatika ba pare mu manam genni ci sa ci yow manam nent ci borom subhanahu wa ta'ala la julli gogu genni ci la ci la mom ci la balle ci la amé wa sallu yalla nga julli alayhi ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ilayka julli gu jëm ci yow ndax fa inna li wer bor moy wuru la salati rotu julli alayhi ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam minu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala kayenum ilayhi jëm ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay mang mi ngi ci nam ilal man jëm ci yalla bok ay mi ngi nam ilallah jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala kayenum manam limi tek moy ne ndax julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi yalla def ci yalla duggu jëm ci yalla wala ci yalla la duggu jëm ci yalla parce que moy min ifadat ko min ka elek mbolam bobu xewul borom subhanahu wa ta'ala yeb yent bi mo len representer tukki ci borom bi kon subhanahu wa ta'ala dem ci borom bi lol rek la ci borom bi la joge ci mom la delu ndax lepp mom moy d'ailleurs mom moy incarnation wu touram bobu moy al waris aji don ci wala manam lepp bu gannaaw bu mu joge ci mom lepp ci mom lay delu moy inna lillahi wa inna ilayhi rajo wala ci yalla la ñun ñepp yalla ñeel nañu yalla ndax ci mom lañu joge mais ci mom lañuy delu motax da ngay gis nit ko xamantene bu gane aduna yalla jox nako dom manam kon ci mom la joge bu genné aduna yalla mi ko mom jëlat nako manam gis nga wala delu na ci borom wala jébal nañ ko borom wala minka ilek yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak comme mom leppum yalla la hein kon ci mom la joge delu ci mom julli ji mi julli ci mom tamit ci mom la joge delu ci mom legui nak lolou lay nek di expliquer ni qala waxna al mursi imam abul abbas al mursi hmm ñu xam nako radi yalla gërum allah wuri yalla ci mom neena adnas nit ñi salatu ñet lañ xawmu ay nit ñoo xam tane hum ñom bi shuhudi ma ñi ngi ci sédé ma li nga xam bi shuhudi ñi ngi ci sédé ma li nga xam tane min hum tukki na ci ñom ila allah jëm ci allah hum te ñom al ubadu jeng ñom ñoy ubati manam moy les dévots moy jam ñi nga xamné dañuy jamu yalla lu barni wal amat ak amag amag itam manam moy mass bi la masse populaire le commun ñom ak ubati ak ñi nga xamantene tamit tout temps dañuy manam sen sa manam buñ waxe ubati jamu kat yalla yu mak yi djublu wuñ ci ñi nga xamantene manam djublu wuñ ci ne kep kuy def lool rek ci awam yi nga bok ci ñom nga bok parce que yeralti bi sallalahu alayhi wasallam mom mo gën ñepp mo gënu bok ci xaas ñepp manam ci ñu particulier ñepp te pourtant mo d'accord jaamu yalla ñepp tam manam kon dublu wuñ ci loolu mais liñ ci dublu moy ñi nga xamantene ñom seen lepp ci loolu la yam manam nona rek lañ comprendre mbir mi comprendre wuñu leneen ludul manam nek di beru di julle ko wor ak di sikkar rek ak di def yeneen ak yeneen manam lool rek lañ comprendre duñu genn cadre bobu ñooñu lañu wax mais cela veut pas dire que bo bokk ci xaar ci do nekati di sikkar do julle ci do wor tekki wu lool wala bok do ko bari la ak do ay qiyam do ko def ak yu tekki wu lool tekki wu na do wor ay wor nafila do et cetera non dublu ci lool mais moy ñi nga xamantene ci loola mais moy ñi nga xamantene buñu dem manam ñom ci loola la ñek concentré wu ci defena fa lu lepp yam manam amuñu spiritualité bu élevé bu fort ñom ak awam yi souvent ñoy faral di yam ñom liñ tané rek moy ñom au moins ñu ngi jaam yalla mais sino ñok awam yi ñoy faral di yam wala dañuy ci gis ñoo xamantene par exemple dañuy sikkar lu bari mais lool tout temps ñoom dañuy gis ne moy lool ñoom dañuy gis ne manam bo d'ailleurs sax lool lañu damay def nangam ki damay def na wala tout temps nga gis ñoom lool moy sen ki parce que ñoom tout temps dañuy gis ne mbiri ci ñoom la jugge et dem ci yalla wala je fais wala non man damay beaucoup de salafate man salafate dama ko def lu bari non damay def lu bari man damay voilà hein voilà même boudul manam lolou aaju wul nga wax ko non lisanu halla ngir la mo xamantene halla ne état la bu ko nit ki nekké manam lu muy yek ci xolam halla bu muy yek ci xolam bu muy comprendre et que nit ki mën na ko xamal bopam mën na xamne kat man kat ah wax deug yalla ma ngi def li mais ma ngi gis ni ma ngi koy def man ma ngi gis ni ma ngi koy def et que limay def ni par exemple wor yi wala ma ngi wor ma ngi ki te va bien vraiment et puis ma ngi moy tuddu ko xale yu jigen ni et ma ngi def no vraiment ma sha Allah da bay selal tan yi hein wala man gor gor la vraiment jambar la quoi voilà hein voilà lol moy xal bob et que xal bob nak attention li upp ci gaay yi top ci yoon nek ci yoon bi ñu upp ci ñom ci xal bob lañ ñaan du critique attention du critique mais niveau là voilà ça veut dire que niveau là quand même bu ba li gëna yello ci ko xamantene nonu la mel moy mu baña nax bopam japp ne ci xawasi la bok mu comprendre rek de que ni voilà reconnaître parce que lool moy premier pas gis nga problème boko amé djégo bi ñëk ci mën ko fat ci fat ko moy d'abord nga reconnaître que ni li problème la et que existé na ngay baña nax sa bop di def politique de l'autruche di nax sa bop di japp né non man wéssu na fofu alors que fofu nonu yow bokku go sax ci ñi ci gëna kawé ci ñoña manam ci ñi gëna arrière ci ñoña nga bok nga japp né yow wéssu nga fofu prétendre ko yaakar ko té yaakar lay doon go xamné en réalité téguwul luddul ci prétention téguwul ci yaakar lay doon go xamné téguwul ci preuve wala argument dafa téggo ci dama bëgg manam et que nak mbiru yalla kenn du ci jot par ay akane xone suma sañon bëggon na ak mibet ak don na mibet j'aurais voulu vraiment j'aimerais que non du lolou ngay joté affaireu yalla mbiru yalla dang koy joté ci jaar ci yoon bi nga ci wara jaar pour jot ci yalla du fo té du fon yalla def lolou de dafa am yoon bu mu teureul né yoon bi ngeen di jaar hadha siratul mustaqim wattabi'uni hadha siratul mustaqim top len ma li moy yoon wax ha qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama ana min al-mushrikin waxal ne man dañ may top lo yoon bo xamne sama borom moma gindi ci yoon bo xamne yoon bu matela la bu djup la ni ciow ciow waral tegu ci yoon mu yoon sama mom ibrahima alayhi salam ala basiratin ana wa man ittaba'ani ci kaw gis gu leer clairvoyance mu mat seuk man ak kep kuma top sallallahu alayhi salam manam kon bu don ay mebet kesse ak japp ne ni nga mel moy tax nga yegg fa kon ñepp nek nañ qutbu zaman parce que kenn ku ci nek li nga yéene sa bop moy lool moy wésu niveau yu ndaw yi kenn ku ne lool nga yéene sa bop du rek mais état des lieux dafa bax pour meuna au moins xam yoon wi nga wara jaar kep ko xamantene du def état des lieux bobu du reconnaître aussi cet état reconnaître état bobu parce que amna différence entre état des lieux bi amna mais me reconnaître ne li moy sama état lolou tam dafa am différence ku ko dul def en fait ci ay ghururat ngay dekk manam ay woru ay illusion ay fokk ne fekk li yalla xam doy ce qui fait que da ngay dem ay at yu bare après nga rendre compte que ni ndegete yaay ngon ci point de départ ka xima raha mbam buñu tak yew ko ci ben garab wala aw euk goudi gi jot leundum rek muy daw di daw mais comme que dañ ko tak ko yew tout temps suy daw day parcourir distance bu bari mais sauf que djugewul fi mu ne manam bu beccëg gi joté ci lay rendre compte que li mu daw yépp ay kilomètres la certes mais que mi ngi fi mu ne batté bu légui so lolu nak teunku go ngay teunku fofu nga ne du dara lulul lulul la bakkan mo lay wax na la saway gaay ñoo la xamugul rek mais yow yaangi dem mais baye rek graw gaay yaangi dem saway yaangi dem de da gaay gaay non dinañ xamne sax na yow yaangi dem non dinañ ko xam sax en réalité ki nga xamantene mom moy ki jaamu borom subhanahu wa ta'ala ba nek deug deug jaamu borom kokku du gis ci mom bopam lu do len melok jaam du gis dara lu mu mériter du gis tamit dara lo xamantene mom def nako jëf yi dañuy jaar ci mom ci jëmum di xew sans que mu rendre compte que mi ngi len di def du ci sax rendre compte que mi ngi len di def du gis nurul ngeeneelu boromam ci kawam e que jam rek la imagineel tay ben jam xam nga jam la wax jam manam esclave bu borom jël ne ko demal ci tol ya wala demal ci usine sangam nga liguey wala demal ci tol le simple fait que ñu jël mu jël jiwu gi jox ko matériel bi ñuy bayé ne ko demal nga bay ci biir jaam yi ak ni ñu bëré ñepp yeneen jaam yépp nek fi mu balel fa bok ci ñi mu tan ne ko dem leen bay gi lool doyna ko terank mais bu démé di bay ak lam fay daj yépp buñ ko ñëwoon ne ko waaw saay dugub gi manam jiwu gi kuko mom duduté réponse am day automatique lan la kan sama borom ak ni nga ci sonné résultat bi mbay mi amna légui mbay mi ñorna baxna kuko mom sama borom day automatique yow légui dans tout ça lan nga ci am en fait mom le fait que mu nek jam day tax mu comprendre né en un clin d'œil bis bu ko boromam xolé beutuk méré rek il est foutu voilà mom mu yakul suko xolé beutuk contenté moy tedna affaiream baxna beutuk mbékté affaiream baxna mais que affaire yi nimu meuna contenté ci mom légui ni la ko meuna méré légui et que kon mom en réalité motax mom le fait que muy comprendre lool motax affaire bobu état bobu nonou du nek diko contrôler limi contrôler rek moy le fait que mom jam la et que mi ngi ci loxol borom parce que comme contrôler wul mero ak mbecté borom mom contrôler wul lool mom lenn rek la xam moy ne mom jam la et que li lañ ko def lo ci lool lay def point final lu ko boromam tek dakoy nang ci lu mu nek lool la bu ko duma ba pare nako ca delu ci tole mu delu te du revendiquer ben droit amul droit bu muy revendiquer du lool lañuy xam ci esclave wala waxuma la esclave mais patron ak salarié bi rek leg leg xétu forme bobu da ci am sa borom motax yoyu def ñu ko fay tégal pour ñu gis affaire bobu ñun tamit ñu xamné ñun suñu relation ak mom non la wara mel manam wala la masallah mais non la wara mel et que yi mu tek suñu loxo yépp daf ñu ko jox rek mu nek xéewal wala jamm bi bu ko borom joxe yere mu sol bu ko joxul yere mu melni mel bu ko joxe mu lek su ko ligéelo ba paré mën nako bañ dox añ sax graw mais mom du plaindre mu ko ne sama borom di lama def nangam tout temps mi ngi ci satisfaction mais borom mo wala lol la mais ubbat yi manam ñing ci djublu moy ñooñu mais sinon mos xalu njaam gogou moy xal bi bax alwirasatul muhammadiyatul kamila bobu la xal bobu la moy dono yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu ma seuk moy nga am xal bobu manam nek jaam kesse amulo leneen loy revendiquer amulo fi leneen loy bëgg bugo fi wuto fi ben maqama fi boy am ci sa digënté ak sa borom parce que tout simplement jaam nga et que jaam rek la du mënul nek leneen luddul jaam et que voilà xalam bi gëna kawé moy le fait que mom ci bopom boromam né ki dé sama jaam la voilà téxna mënul nek leneen mënul fi prétendre benen maqama luddul maqama ak jaam ko xam ngeen jaam limay wax esclave la hein l'esclavage la bien esclave voilà mom amul lu muy revendiquer luddul né man diw moy sama maître téxna amul ben statut bu mu fi wut amul ben maqama bu mu fi chercher amul dara lu muy revendiquer amul revendication amul grève amul liguey bi dafa metti amul dara amul salaire yi den touti amul jam rek la point final et que le fait que ñu lay jaarale ci ay maqam nan yegg nga maqama sangam legui lolu sax en réalité c'est une forme de dévaloriser la en réalité maqama buñ lay jox maqama bobu dañ la dévaloriser en fait motax bu wut maqama yoy wutal nek kan na jam bu wut ben spécificité ben particularité ben jagne bulu ben djegle ben spécificité ben particularité ci bir nit ñi ci bir nitu yalla yi ci bir wutum ben particularité voilà mën respecter le nak yoy mais bulu sax am li ñu am respecter voilà respecter len rek bëgg len naw len fonku len jeex mais so bëggé sa mbir bax considérer sa bop comme lan jam voilà exactement lool soko défé problème bo tollu problème sangam di nga gawa reconnaître tranquillement que ni man li moy sama problème jamono ji et que prétention d'auto comedy d'auto nek ci di prétendre yegg na fi ci ñi la bok ma nga dugg ci maqama sangam genn na fa legi ma nga fenen dedet en réalité lolu xétu dévaloriser la ñoon yow parce que ba tay yalla utiliser gula en tant que jam parce que su lo utiliser en tant que jam lolu mom moy jox na la valeur mais su fekkante ne utiliser wul en tant que jam def la utiliser legi yow yaangi bok wa maqama sangam c'est parce que en fait lolou xétu dévaloriser la mais attention djublu mo ci wax mais koku du nitu yalla wala baxut wala de a djublu mo ci lolou limay djublu rek moy ne que ni buñu comparer en tant que jam bi ki dafa perte valeur motax borom subhanahu wa ta'ala yent bi sallalahu alayhi wasallam lay tudde jamam wala mom lay tudde jamam fa no la maqam abdullah subhanahu wa ta'ala bi abdihi tabarak alladhi nazala ala abdihi wala jaamam borom bi subhanahu wa ta'ala yantubi sallallahu alayhi wa sallam moy jaamam e ke yantubi sallallahu alayhi wa sallam mom mo kontanu lulul mu tuddé bopam jaamu yalla walli bi nga xamantene moy bi gëna mak bi gëna parfait ki gëna complet ci nit ni incarner toutes ces manifestations yi touru yalla yépp yalla tek ko ci loxom mu yor ko ak melo yépp mu incarner len ci jamono mo al qudb al ghawf abdullah al rubb jamu yalla voilà imam bi ci ñaari imam yi ki tek ci wedd gi abdur rabb ci jamu borom ki ci dess abdul malik jeex gis nga et cetera topal lolu ay jam statue jam lañu wut nekkuñu buguñu d'ailleurs té lolu moy sét teranga le fait que ñu nekk jam yalla jamu yalla lolu moy teranga mais jam bobu ñuy wax nak bokut ak jamu yalla jamu yi ñi wax ñi ñi mom manam pratique extérieure yi manam le fait que ñuy julli di wor di def li di def li di def ñom lolu lañ jappé comme état moy jamu gi et que lolu moy sel di ñi wut ci yalla ñoñu nak tout temps dañuy japp né ñom ñi ngi def dara ñu tukké ci ñom di dem ci yalla fekk buñu comprendre ron dañuy comprendre né mbiri ci yalla la juggé ñew ci ñom en fait dafa am ben et que xam nga leg leg da nga ci gis ko xamne man da wolof yalla nañu yalla sab yalla nañu yalla sab leg leg da nga ci gis ñuy wax manam nga gis nit kuy bëgg par exemple di jox valeur serignum mais diko netalul ay xéetu masalan dafa né yalla dama lay defal nangam ngir nga jox ma nangam et que li may def dama koy jaay et que prix bi moy nangam en réalité lolu dafa genn ci melok njam c'est à dire que koku même boudé amna relation bobu ak boromam boudé deug la lolu moy suñu natalé ni deug la lolu limi tekki moy valeurum ci boromam du njam manam reuy yalla ko manam parce que jam du laaj lan du laaj salaire jam du laaj salaire salaire kiko laaj moy salarié kuñu employé moy laaji droit ak salaire mais jam du laaj salaire jam amul salaire teranga gi gëna reuy moy le fait que borom subhanahu wa ta'ala jël ko jëfëndiko ko ci tolam alors que yeneene jam nga fi ñu mëno na jëfëndiko bu baax momu téra la ko jël defandi ko fofu alors que ñeneen nga fi wax deful lutax ñu tan ko seen biir amul lutax ñu tan ko seen biir manul lutax ñu tan ko seen biir ngeenel ak yalla la innal fadla bi yadillah yuti man yasha ngeenelu yalla ngeenel ci loxol yalla rek moko jox ko ne jeex jeexna borom bi leg subhanahu wa ta'ala manu ubbar yi ben problème biñu am moy dañuy gis borom subhanahu wa ta'ala ak yenté bi sallallahu alayhi wasallam di wax né so defé nangam dina la fay nangam jëndina nangam comme sa bakkan nga dem aljana ak yenen yu mel non ku sikkar nangam am nangam cependant li len reer ci buntu bobu li nga xamantene mom mo len mom lañ perdre de vue moy que ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimu ñëwé ak message am dafa ñëw en tant que ko xamantene day délivrer ñëpp c'est que dafa am message universel médecin la bo xamantene mbolem jangoro yi da koy safara alquran tam non la mel shifaa'un wa rahmatun liqawmi yu'minun safara lu yermal ñen nit ñi xamni gëm nañ ko et que c'est pas parce que médecin bi dafa ñew di joxe jangoro buy fajj bir dal ni li moy fajj bir dal ni li moy fajj bob bi metti li moy fajj gum li moy fajj que ni yow da ngay jël safara yépp utiliser len du demé non manam da ngay xol li c'est problème nga fat nga jël ko nga ñi nga xamantene c'est problème effectivement moy né ay bakkar kat lañ té dañoo sax wala bok sax parfois ay yéfer lañ ñooñu le fait que ñu leen di xup di leen waar di leen tital di leen ragallo ngir ñu daw ak di leen wan ngeenel bu mag gi nekk ci tay bu ñu tuubul loolu moy seen safara ñu jaar ak ñoom fofu ñi nga xamantene ñoom par exemple tuub nañ ba pare wala bok wala dañu me dañu bëgg dess ci yoonu tuub bobu te baña gestu wat ci tiaxan ya ñu nekk wat ñoña tamit le fait que ñu leen di bëggal di leen won ni ku nekk ci yoon bi kat nangam kuy def nangam nangam et cetera lool moy cet savoir parce que lool da leen di permettre ñuy améliorerou et que ñuy am motivation bu leen téyé fi ci mbir mi bu mëna avancer ci kaw mais ñi nga xamantene ñom wessu nañ fofu du lool moy sen safar ñom li sen safar moy ñu xamal leen ni leen da ngeen wara nek jam et que warul nek leneen du dul jam ñi wessu d'ailleurs motax ñi yegg fofu nonu da ngay gis dinañu mën di jif lu bari bari ci yu bax sans que sen xel dem ci ne aljana ak safara existé nañ sans que sen xel di dem ci ne li ku ko def da ngay am ci yaaba wala li ko baye ku ko def da ngay am bakkar seen xel sax du dem ci lolu parfois parce que dañu wessu niveau bobu koku nak du ay di manam koku safaram nekul safara yi nga xamne dañu mom lañuy jox ñi nga xamne ñom ñoy ñe ci dess et que borom subhanahu wa ta'ala dafa jëfleenté ak ñom jëfleenté lewet manam non la jëfleenté ak jaamu yi dafa jëfleenté ak ñom jëfleenté ku lewet dafa jëfleenté ak ñom jëfleenté borom yermade subhanahu wa ta'ala andak ne mom moy borom bi nga xamanteni ñepp ay jaamam lañ ci ronam lañ ne voilà xolal tay bu amone ben nit ko xamni dafa am ay domam am dom manam mom par exemple yaay la mu am ben xalé bu ndaw ni dom bi ferantal ferant am ferantal waaw ferantal bi nga gis ko par exemple mu am ben moment bu muy dem manam bëgg gëdd yaay ji pour dem ci yeneen nit manam même bu fekkante ne ñoo ñu sax ay ndijaayam lañ ay bajjanam lañ ay et cetera manam yaay ji mom xamna ni mom moko gëna bëgg ñëlé moko upp yërmane tam ci ñooñu du deug légui su jëlé ben bonbon par exemple gâteau bonbon yi comme ay de sucre yi wala jina ah wala bi ci dess na lot de biscuit bi ko ko neexale nan ko am way kay en fait dokoy wan en même temps que ni man ma kay ki manam mako upp mool ma upp yermal ma la upp yermal dikay ñe ma la gëna bëgg tamit ñe mo lool le fait que xelam mu gis lool day tax xelam delu ci ne non seulement li lu may jariñ la mais que ki mako nara jox man xamna ci lu jitu ke ni comme moma jur aussi ak xalé day xam lool ke ni ki moma uppi yermande ke ni ci dess ci dess rek mu delu ci ñom mu daal ko jox tey ko bu ko joxe bu ko lekke paré légui da koy joxat leneen lu gëna conséquent lu gëna reey ni bu ko defé mu dess ci mom mu diko ko jox diko ko neexale ngir diko gëna xërtal ci mu dess ci mom bu démé nak ba mag ba ki nak day xamné wala bu boba nak day doorul soxlaati ku ko neexal man doorul soxlaati ku ko neexal pour mu mëna tok fonku yaay ji respecté ko jox ko ciirum jox ko gëddum et cetera xamné ki moy sama yaay et que yaay le fait simple fait que mu nekk sama yaay rek dafa am ben gëdd ben respect ben numa wara ndoxale ak mom mana lolou legui le fait que mu nekkon xalé mo saxone mu soxla xéetu neexal gogou ak yu mel non mais ni rek legui mom soxlatuko numu nekké mag ni soxlatuko voilà wallahi almasalla la borom bi non lay defleunte gaay manam nit ni et que nit ni le fait que kenn manam par exemple leguele tamit comme yaay jojo par exemple buñu jëlati exemple yaay jojo leguele yaay nga gis su bañé leguele mu jël duma ko xëc ko mu ñëw parfois mu doxale non manam mu ñëw par force mais parfois da koy bayyi su ko bayyi ci bir nit ñoño mu dess ak ñom ak tum ranké ak choono ba dak choono deug dina xamné da wara délu ci yaay ji mu délu ci ñom borom bi tamit day jëfëlante ak non ak mbokk ak jaamam yi wallahi ma sallallahu ala leele da leen di bayyi ñu nekk ci ki moy mais bañ gis conséquences graw yoy am dañu ñoon délu ci wat ci yalla papa mais lool moy bu ñaré taxé sinon bu naré taxé di comme xalé bobu tamit da ngay gis xalé bi day dess nekk ci seen biir ci biir gaay dootul nambati dootul amati ko ki dootul top toot kenn duko topato mu jéki jék auto fiir ko mu dé après mu jéx wala wala borom bi tamit leen mu fekk nit ku nekk ci yoon bobu mu neexal ko mu bañ mu japp ko par force indiko duma ko indiko ndatt ko indiko et cetera parfois tam mu bayiko nonu mu jaar ci yoonu alkande et cetera yalla nañu yalla sa mais liñ ci djublu won moy ne borom bi subhanahu wa ta'ala étape yoy muy jaar ak nit ñi manam nit ki le fait que muy comprendre mais sinon yalla bindu la pour dafa lu bindu pour nga jaam ko mom pas pour nga manam c'est à dire que yim lay tuddel aljana ni la mel safara ni mbugalu ba mel li xewul yi nek ci ba mel nangam nangam lolu en fait voilà dalay won comme bâton bi la carotte bi voilà comme bonbon bobu xalé bi yaay ji di won xalé bi wala bok duma gum koy duma et cetera won ko ne ko mën na lu duma aussi parce que leg leg bu ko woy nako indi am bonbon am mu bañ mu jël xaar daal koy gëdd wala mu jël bant won ko ko wala yu mel non wala mu ciaw ko ak xéet gogou yoy tam yeneene façon manam borom bi ci gattal dal borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay façon yu muy jëflante ak jaam yi lolou ci yeurmandem la muy jëflante ak nonu jaamam yi pour ñu déllu ci mom mais que seen objectif c'est-à-dire que ki nga xamantene mom fi fofu la tollu niveau bobu la tollu koku nonu lolou lañ koy wan ne ko borom bi kat wax na la boko ñewé top ko dana la yobbu aljana dana la ki gis nga aljana ni mu neex nangam nangam parce que nit ki tamen mom niveau mom non la toll mom xalé la man spirituellement xalé la lire la sax et que lim bëgg mom moy yu neex yoyu ñuy dégg né aljana nangam nga fa et cetera tabax yi ni lañ mel kër yi ni lañ mel yaangi dégg amna fruit nangam bo lek ni ganari gis nga yap ndawal li ni la mel amna ay ourul ay ñu fa nekk et cetera deng manam yoy non ñu ko expliquer moy tax xalam di ci dem ah bëgg ko ñu ko safara attention nangam fa nek wax ko xet njangur ya fa nekku lak gamé laké et cetera ak namuy mel ak yaram bi tout temps du régénérer wu et cetera ak wax ko xetu yu raglu yo xamantene day tax mu mëna nango daw gaaw delu ci kaw koku c'est parce que niveau bobu la tollu yoyu alcorane daf ko indi aussi et que parce que la plupart des gens ci ñoñu lañ bok et que yoy tamit di len tudd nonu la parce que il faut nit ñi ño soxla lool mais nit ku nek ak niveau nit ku nek ak limu soxla nit ku nek ak yiñ koy wax legi al ubad ak awama bi ñono kon liñuy gis moy li tukke ci ñom jëm ci yalla wa qawmun amna aw nit tamit ñom hum ñom bi shuhudi ñi ngi ci di sédé ma li nga xamné min allah dafa tukke ci yalla ilayhim jëm ci ñom boom te ñom al khassat ñoy khassal ñom khassal dé ñom li tukke ci yalla jëm fi ñom lañuy gis mais amna ñu leen gëna fété kaw wa qawmun amna nit ño xamné nak ñom hum ñom bi shuhudi ñi ngi ci sédé ma li nga xamné min allah dafa tukke ci yalla ilallah jëm ci yalla ñom lu tukke ci yalla jëm waxum ñoy ñoy khassatu khassat ñom gisunu dara lu doon lepp ci yalla la jogi jëm ci yalla deng legi fal khassat ñi nga xamne ñom ñoy khassa gi manam moy elite bi moy ñi yalla tané fi ñu jëk ni kon ñu jëk ñi nga xamne ñoo wa in kanu donte nek lañ fi khayatul ulwi ci daye kawé fa yalhaquhum jotena len an naqsu ak wañeku min haythu ci anam gi nga xamne yashhaduna dañuy sédene an allah naka yalla kan huwa mum al muhdi moy aji jox manam moy aji gimbe mala bok di adiyal di joxe lawum ñel len wal muqita mo len di jox fa naqsuhum senu wañeku huwa moy ne shuhudu jakkalo gi ñi jakkalo ak wujudihim senu am ma wujudil haqq andak xew andak amuk yalla ta bi bur bi deug subhanahu wa ta'ala aji kawé lool la le fait que ñom ñuy gis ne même bu dé dañuy gis ne mbir ci yalla lay joggé di ñew ci ñom le fait que ñuy gis ne ñom am nañ yalla am et que yalla mo leen dox ñom loolu fofu la seen wañé ku ne fofu la seen wañé ku nek wala wala d'ailleurs même niveau bi sax li ëpp ci sa marche gi da naka yeguñu fi ñom ñi ngi fele ci kaw ba légui yalla sama deng wal kamal ak mat nak atam gu ma di matal gi nak li taifat mo moy kurel astanet ñaarel bi manam ci khawasi ci khassa bi manam ci elite bi moy l'élite de l'élite la crème de l'élite ñom parce que ñom hum ñom bi shuhudi ñi ngi ci sédé ma li nga xamné min allah dafa tuké ci yalla illa allah jëm ci yalla falay sa dédli lu fusim senu nek senu am indum fa ñom sha'nun bi di dara bi xibi lu xew manam ñom amuñu ñom ci seen bop seen mbir deul dara hatta mbété yoté haa ñukoy jox aw yuhdiya wala bam ñuy add yalla ha diko ñeul manam ñu balli fi nek in mahqafaruna wujuduhum senu am senu nek taxta ci ron wujudihi nek yalla le fekk yalla nek rek mo fi manam sen nek ñom dafa effacer wu tandis que c'est l'effacement l'extinction du moi fala ayna det am ana wala kayfa wala naka wala ghayriyat du tiagenu kojuk lenen illa ludul allah bur yalla wahdahu bun kase ñom yalla da leen gis lenen lu fi nek yeb moy ay yalla mo fi nek ak turum ak melom jeexna yalla lepp ci yalla lu jigi dem ci yalla et cetera wala yi tamit ay état la ay hal la boko xam boko dundé da nga xam lan lay tek boko dundut nak boko xam parce que ñuy musla wala comme ma mi ngi melni rek xal bu ñëk bi fim tool ku bok ci ñaarelu xal bi ku bokul ci ku bok ci xal bu ñëk bi fim tool ñaarelu xal bi do nga boku bu gono expliquer da nga am problème nga gis nga ñaarelu xal bi han bu évident ci yow bu yaakar ne ci ñëpp la évident le fait que ni mbiri yépp ci yalla lay joggé ñëw ci manam do gis loolu ne affaire ci yalla lay joggé ñëw ci yow et que da ngay mbir mu nekk da ngay gis ne en fait yalla moko dogal ci yow manam suuf ko daf ko feñal day rek ci yow lool ku bok ci groupe bu ñëpp bi soko bëggé expliquer da ngay am problème parce que en fait ni manam ni bop bi organisé wu ni mu constitué wu mo man ta comprendre aspect bobu ni ki nonu aspect bi ni ku ci bokut manam ku bok ci ñaarelu groupe bi nga bëkk ko expliquer bi ni manam ni bop bi conso manam ni mu organiser wu modul mana adapté wu pour mu mana comprendre ni lolu tax so évoluer spirituellement sa constitution yaram day soppeku ni sa your yi sax di mel ak sa xol sa your yi sa yaram même sa tout sa membre corps yep ni mi day soppeku ci ban arme de non wax sax gëna ko nekk ci ban art boko bëgg expliquer fan manam tay ku nekk ci xalu manam ke ni mom limi def kat day def bëgg yalla manam ndax bu ko defé paré kat dégg na li moy tax dem aljana wala li moy tax mucc ci sawara ak li mom moy tax ngay am nangam ak li tam soko defé da ngay mëna jot ci nangam ak yu mel non kok soko bëgge expliquer né ko yoy yëp dang ko wara dindi ci sa xel et que yalla mbir yëp ci yalla la joggé manam mom amul lu muy rek la manam lepp ci yalla rek la joggé et que xéewulu yalla la dal le fait le simple fait que muy jëf di rek lolu xéewulu yalla la bu tukki ci yalla sauf que yalla dako feñalé ci mom mais du mom mo def di sax yalla moko feñalé ci mom rek lool rek sax ku bëggu expliquer té mom niveau mu yegg fo bokk bi du ko mëna comprendre il faut que niveau bi yegg fo wala mu jégué fa wala mu jégué fa pour mu mëna am accès xel ni mëna comprendre lool voilà légui de voilà légui ki ci dess tamit ki nga xamantene dang ko bëgg comprendre lo na ke ni manam ki nekk ci niveau bi ñaaral bobu nga bëgg comprendre lo na ke ni mbir yépp dafa juggé ci yalla di déllu wat ci yalla en fait mom du dara luddul mais yalla rek ko fi nekk parce que yalla rek mom mo fi nekk ak ay turum ak ay melom di manifester wu à travers mom num ko nexé et que mom mindif yi ñu fi gis yépp en réalité duñu dara luddul luy refléter ay turu yalla ak ay melom et que yalla mom mo ci soppaliku manam et que yalla amal gi mu amal aduna gi en réalité du dara lul amal lul bopom lay gis ci mom manam ci sa tay xolal imagine law tay soy waxtan ak sa bop manam tay soy waxtan ak sa bop ndiwuma yaw day war nga def manam gis nga da ngay melni imagine da ngay gis na dafa melni da nga xaj manam sa bop dafa am kenen ku fi nek ko xamantene mom ngay waxal mais et que sa bop la voilà mais manam nek sa bop la du non nga lay nek sa xel voilà légui so comprendre lolu di ngi comprendre li nga comprendre li ma lay bëgg wax manam légui kemi yalla yalla borom subhanahu wa ta'ala amal gi mu amal minde fi en réalité du dara dul bopam manam bopam lay xol à travers minde fi en fait minde fi du ñu dara dul mom en fait et que le fait que ñuy soppeku manam le fait que ñuy soppeku minde fi di soppeku aduna bi di évoluer et cetera du dara ludul ay touram ak ay melom ñoy soppeku motax mbir yi ci zahir ni muy soppeku ni mais que du dara ludul mom et que évolution bobu du mom mo soppeku de du mom mo soppeku mais comme yow tay bo don xalat tay bo jekite ke xalat koko bo bare baye xalat koko koko day dadi dootul nek ci motax yalla bu baye manifestation bobu mu def ba tax aduna bi exister ni et que muy xol bopam ludul à travers manam muy xol bopam ci lepp lolou suko bawone aduna bi day jeex manam dootul exister ci dootul exister aduna bi du dara ludul borom subhanahu wa ta'ala voilà voilà et que lepp ay tourum lañ ak ay melom yo xamantene aduna bi mu ko amale pour manam de doon gis bopam ci lolou day gis bopam ci aduna bi wala manam ay tourum ak ay melom motax manam doomu adama nak moy ki nga xamne moy motax doomu adama nek aduna bu mag bi parce que doomu adama li tax mu nek aduna bu mag bi alors que jëmum manam bo xolé jëmmu ji dafa touté mais en réalité mom moy aduna bu mag bi lolou moy ci tour yi melom bi touru yalla yi parce que mom moy endroit bi nga xamne mom la yalla concentré parce que spécimenu yenenbi la sallallahu alayhi wasallam haqqatu muhammadiyyah haqqatu muhammadiyyah moy fi yalla concentré mbolam turum yek melom yep na motax doomu adama mel non moy aduna bu mag mom ci jëm bopam et que aduna bi yep tamit ni mu nekké ni deug deug bu mag bi yep aduna bi yep forme doomu adama la yo voilà su la yalla mayon ni ba nga dem ba gis ni aduna bi mel yep manam li yalla bind la wax lepp di nga gis ne forme doomu adama la yo lu waxon na la sank at tawakkul akhdar voilà voilà di nga gis ne donc voilà aduna bi gis nga legui tawakkul akhdar mo fere bo aha aha voilà OK légui mais lolu soko bëggé expliquer ko par exemple ko xamné ne ko lepp ci yalla manam li gis nga li ni li ni le fait que ku amul ni niveau bob wala approché wuko manam boko beugé expliquer notion bi ni déjà da ngay problème mom ci xelam duko attan en fait xelam modul attan mu meuna comprendre lolu ko xelam modul ko soutien wo nonou voilà nit ki nak su évoluer spirituellement non lay def manam xel mi day soppé yaram bi lepp lay soppé ko membre corps gis gisam de leppum yalla dakoy soppi tout le temps day nek en mutation dou sax d'ailleurs lolo ta arif billah bi par exemple leg ñu bari duñ ko comprendre lu muy gënde avancer muy gëna nek ku ñu dul comprendre xalam bi soppé ko tout le temps da ngay gis lay nek ci xal bi legi su ko legi ni mu soppé ko melni gaay dañuy fogné da fay ci day dik le en fait lolu lañuy yaakar voilà parfois ñuko gëna jégué duñu du ñiko xamné ñi xamné ki vraiment niveau bu kayale or ci maarefa ni motax ñom dañ ko dul ñëmé ñom duñ ko ñëmé parce que dañuy gis ni mu xalam bi soppé ko tout temps mais motax nak amna ci nak ño xamantene lolu yépp day am ci ñom andax seen bitu du feen ci ñom wala du feen ci ñom wala du feen ay gu jéggi day wala amna ben jour ki bu yobante wet waxtal wi cheikh bi ni ko waaw yo da li nga bëgg teunk fofu yépp moy nit ki dal dafa wara yor merom jam dal manam lol déjà lol boko jappé bu téy ko après li ci dess yépp ci lol la ali lol japp ko nga téy ko nga takko nga incarner ko bu mu genn xalaat bobu bu mu genn sa xel mu genn ci sa doxale ci loy dugg rek jappal lol bu amé wa lepp ci bir lol la nek après yi ci dess yépp yi ci dess yépp dañu gemé ci lool dañu balé ci lool voilà dinga kon xal biñu wax ni biñu wax légui ni né amul ayna amul kay amul ana amul naka amul len ko lenen yalla rek ka fi nek mom kesse fa hadha li huwa mom al kamal moy ak ma huwa mom yalla al mu'ti moy aji joxe ji la ghayriyata amuluk manam ci lu amuluk ko djuk lenen bal li fi nek huwa mom min indil nafsihi mi ngi tukke ci bopam li nafsihi jëm ci bopam rek idhar tafa'a bu yekete al hijab kira bi shahid ta di nga gis ne al kawna aduna bi kulluhu lepp sha'nan ay mbir la rek truc lañ min shu'unil hadrat ci ay mbir la ay truc la mom lañ la non xam nga truc yi moy yi ñu imaginer moy wala ci manam ci cadre bobu la nek ci shu'unil hadrat al ahadiyat ci mbir yi nga xamne ci hadrat al ahadiyat moy fa yalla nekke kenn fa laysa nekut iraduhul rotal gimi rotal asha mbiri illa ludul min mu tuké ci bopam mom yalla li nafsi yi jëm ci bopam wal alamu aduna bi kulluhu lepp shu'unuhu ay mbirum lañ wa hadha al mashhad bi lek mashhad manam teway jakarlo mbir mi ni comme niñ li ni hu moy nak mashhadul afrad ño mëna mel ño xam li ño gisé mbir mi wala afrad ñu ñu xassatul xass wa ñu ñu gis ngir ñu ni wala kon ñu yam fofu wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin